mélodie sucrée et un peu poivrée. J'écoute les notes McCartney, des mots en anglais qui vont très bien. L'ensemble, it's ok, on est sur des airs de Lennon McCartney. Quatre garçons d'enfants, adolescents, jusqu'aux piétons d'apéro. Dans les rues de Londres résonne encore le son des chansons qui rôdent sur des airs de Lennon McCartney. What you just to hear you. Ça me fait pas peur, c'est mon fils, ma bataille, fallait pas qu'elle s'en aille. enfants. Les juges et les lois, oh, ça me fait pas peur. C'est mon fils, ma bataille. Fallait pas qu'elle s'en aille. Oh, oh, oh, je vais tout casser. Si vous touchez aux fruits de mes entrailles, fallait pas qu'elle s'en aille. Oh, oh, oh. Les juges et les lois. Que du bonheur et de l'amour, c'est votre chance, à présent c'est à votre tour. Oui, du bonheur et de l'amour, qu'aucun nuage noir, qu'aucun vautour ne gâche la fête. Chanter à tue-tête.